Quand je revins à moi, j'étais couchée sur mon lit, dans ma petite chambre du presbytère, et le vieux chien de l'ancien curé léchait ma main allongée hors de la couverture. Barbara s'agitait dans la chambre avec un tremblement sénile, ouvrant et fermant des tiroirs ou remuant des poudres dans des verres. En me voyant ouvrir les yeux, la vieille poussa un cri de joie, le chien jappa et frétilla de la queue. Mais j'étais si faible que je ne pus prononcer une seule parole, ni faire aucun mouvement. J'ai su depuis que j'étais restée 3 jours ainsi, ne donnant d'autres signes d'existence qu'une respiration presque insensible. Ces 3 jours ne comptent pas dans ma vie, et je ne sais où mon esprit était allé pendant tout ce temps. Je n'en ai gardé aucun souvenir. Barbara m'a conté que le même homme au teint cuivré, qui m'était venu chercher pendant la nuit, m'avait ramené le matin dans une litière fermée et s'en était retourné aussitôt. Dès que je pus rappeler mes idées, je repassai en moi-même toutes les circonstances de cette nuit fatale. D'abord, je pensais que j'avais été le jouet d'une illusion magique, mais des circonstances réelles et palpables détruisirent bientôt cette supposition. Je ne pouvais croire que j'avais rêvé, puisque Barbara avait vu comme moi l'homme aux 2 chevaux noirs et qu'elle en décrivait l'ajustement et la tournure avec exactitude. Cependant, personne ne connaissait dans les environs un château auquel s'appliqua la description du château où j'avais retrouvé Clarimonde. Un matin, je vis entrer l'abbé Sérapion. Barbara lui avait mandé que j'étais malade, et il était accouru en toute hâte. Quoique cet empressement démontrât de l'affection et de l'intérêt pour ma personne, sa visite ne me fit pas le plaisir qu'elle m'aurait dû faire. L'abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d'inquisiteur qui me gênait. Je me sentais embarrassée et coupable devant lui. Le premier, il avait découvert mon trouble intérieur, et je lui en voulais de sa clairvoyance. Tout en me demandant des nouvelles de ma santé, d'un ton hypocritement mielleux, il fixait sur moi ses 2 jaunes prunelles de lion et plongeait comme une sonde ses regards dans mon âme. Puis il me fit quelques questions sur la manière dont je dirigeais ma cure, si je m'y plaisais, à quoi je passais le temps que mon ministère me laissait libre, si j'avais fait quelques connaissances parmi les habitants du lieu, quelles étaient mes lectures favorites et 1000 autres détails semblables. Je répondais à tout cela le plus brièvement possible, et lui-même, sans attendre que j'eusse achevé, passait à autre chose. Cette conversation n'avait évidemment aucun rapport avec ce qu'il voulait dire. Puis, sans préparation aucune, et comme une nouvelle dont il se souvenait à l'instant, et qu'il eut craint d'oublier ensuite, il me dit d'une voix claire et vibrante qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier. La grande courtisane Clarimonde est morte dernièrement à la suite d'une orgie qui a duré 8 jours et 8 nuits. Ça a été quelque chose d'infernalement splendide. On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre. Dans quel siècle vivons-nous, bon Dieu ? Les convives étaient servis par des esclaves basanés, parlant un langage inconnu, et qui m'ont tout l'air de vrais démons. La livrée du moindre d'entre eux eût pu servir d'habit de gala à un empereur. Il a couru de tout temps sur cette Clarimonde de bien étranges histoires, et tous ses amants ont fini d'une manière misérable ou violente. On a dit que c'était une goule, un vampire femelle, mais je crois que c'était Belzébuth en personne. Il se tut et m'observa plus attentivement que jamais pour voir l'effet que ses paroles avaient produit sur moi. Je n'avais pu me défendre d'un mouvement en entendant nommer Clarimonde, et cette nouvelle de sa mort, outre la douleur qu'elle me causait par son étrange coïncidence avec la scène nocturne dont j'avais été témoin, me jeta dans un trouble et un effroi qui parurent sur ma figure, quoi que je fisse pour m'en rendre maître. Sérapion me jeta un coup d'œil inquiet et sévère. Puis il me dit « Mon fils, je dois vous en avertir, vous avez le pied levé sur un abîme. Prenez garde d'y tomber. Satan a la griffe longue et les tombeaux ne sont pas toujours fidèles. La pierre de Clarimonde devrait être scellée d'un triple sceau, car ce n'est pas à ce qu'on dit la première fois qu'elle est morte. Que Dieu veille sur vous, Romuald. » Après avoir dit ces mots, Sérapion regagna la porte à pas lents et je ne le revis plus, car il partit pour Est presque aussitôt. J'étais entièrement rétablie et j'avais repris mes fonctions habituelles. Le souvenir de Clarimonde et les paroles du vieil abbé était toujours présent à mon esprit. Cependant, aucun événement extraordinaire n'était venu confirmer les prévisions funèbres de Sérapion, et je commençais à croire que ses craintes et mes terreurs étaient trop exagérées. Mais une nuit, je fis un rêve. J'avais à peine bu les premières gorgées du sommeil que j'entendis ouvrir les rideaux de mon lit et glisser les anneaux sur les tringles avec un bruit éclatant. Je me soulevai brusquement sur le coude et je vis une ombre de femme qui se tenait debout devant moi. Je reconnus sur-le-champ Clarimonde. Elle portait à la main une petite lampe de la forme de celle qu'on met dans les tombeaux, dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu. Elle avait pour tout vêtement le suaire de lin qui la recouvrait sur son lit de parade, dont elle retenait les plis sur sa poitrine, comme honteuse d'être si peu vêtue. Mais sa petite main n'y suffisait pas. Elle était si blanche que la couleur de la draperie se confondait avec celle des chairs sous le pâle rayon de la lampe. Enveloppée de ce fin tissu qui trahissait tous les contours de son corps, elle ressemblait à une statue de marbre de Baigneuse antique plutôt qu'à une femme douée de vie. Morte ou vivante, statue ou femme, ombre ou corps, sa beauté était toujours la même. Seulement l'éclat vert de ses prunelles était un peu amorti, et sa bouche, si vermeille autrefois, n'était plus teintée que d'un rose faible et tendre, presque semblable à celui de ses joues. Les petites fleurs bleues que j'avais remarquées dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles, ce qui ne l'empêchait pas d'être charmante, si charmante que malgré la singularité de l'aventure et la façon inexplicable dont elle était entrée dans la chambre, je n'eus pas un instant de frayeur. Elle posa la lampe sur la table et s'assit sur le pied de mon lit. Puis elle me dit, en se penchant vers moi, avec cette voix argentine et veloutée à la fois que je n'ai connue qu'à elle, « Je me suis bien fait attendre, mon cher Romuald, et tu as dû croire que je t'avais oublié. Mais je viens de bien loin et d'un endroit d'où personne n'est encore revenu. Il n'y a ni lune ni soleil au pays d'où j'arrive. Ce n'est que de l'espace et de l'ombre, ni chemin, ni sentier. Point de terre pour le pied, point d'air pour l'aile. Et pourtant me voici, car l'amour est plus fort que la mort, et il finira par la vaincre. Ah, que de faces mornes et de choses terribles j'ai vues dans mon voyage. Que de peine mon âme, rentrée dans ce monde par la puissance de la volonté, a eu pour retrouver son corps et s'y réinstaller. Que d'efforts il m'a fallu faire avant de lever la dalle dont on m'avait couverte. Tiens, le dedans de mes pauvres mains en est tout meurtri. Baise-les pour les guérir, cher amour. » Elle m'appliqua l'une après l'autre les paumes froides de ses mains sur la bouche. Je les baisai en effet plusieurs fois, et elle me regardait faire avec un sourire d'ineffable complaisance. Je l'avoue, à ma honte, j'avais totalement oublié les avis de l'abbé Sérapion et le caractère dont j'étais revêtue. J'étais tombée sans résistance et au premier assaut. Je n'avais pas même essayé de repousser le tentateur. La fraîcheur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne, et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons. La pauvre enfant, malgré tout ce que j'en ai vu, j'ai peine à croire encore que ce fut un démon. Du moins, elle n'en avait pas l'air, et jamais Satan n'a mieux caché ses griffes et ses cornes. Elle avait reployé ses talons sous elle, et se tenait accroupie sur le bord de la couchette, dans une position pleine de coquetterie nonchalante. De temps en temps, elle passait sa petite main à travers mes cheveux et les roulait en boucle, comme pour essayer, à mon visage, de nouvelles coiffures. Je me laissais faire avec la plus coupable complaisance, et elle accompagnait tout cela du plus charmant babil. Une chose remarquable, c'est que je n'éprouvais aucun étonnement d'une aventure aussi extraordinaire. Et avec cette facilité que l'on a dans la vision d'admettre comme fort simple les événements les plus bizarres, je ne voyais rien là que de parfaitement naturel. « Je t'aimais bien longtemps avant de t'avoir vu, mon cher Romuald, et je te cherchais partout. Tu étais mon rêve et je t'ai aperçu dans l'église au fatal moment. J'ai dit tout de suite, c'est lui. Je te jetai un regard où je mis tout l'amour que j'avais eu, que j'avais et que je devais avoir pour toi. Un regard à damner un cardinal, à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute sa cour. Tu restas impassible et tu me préféras ton Dieu. Ah, que je suis jalouse de Dieu, que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi. Malheureuse, malheureuse que je suis. Je n'aurai jamais ton cœur à moi toute seule, moi que tu as ressuscité d'un baiser. Clarimonde, la morte, qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu'elle n'a reprise que pour te rendre heureux. » Toutes ces paroles étaient entrecoupées de caresses délirantes qui étourdirent mes sens et ma raison au point que je ne craignis point, pour la consoler, de proférer un effroyable blasphème et de lui dire que je l'aimais autant que Dieu. Ses prunelles se ravivèrent et brillèrent comme des chrysoprases. « Vrai, bien vrai, autant que Dieu ?» dit-elle en m'enlaçant dans ses beaux bras. « Puisque c'est ainsi, tu viendras avec moi, tu me suivras où je voudrai. Tu laisseras tes vilains habits noirs. Tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers. Tu seras mon amant. » Être l'amant avoué de Clarimonde qui a refusé un pape, c'est beau cela. Ah, la bonne vie, bienheureuse, la belle existence dorée que nous mènerons. Quand partons-nous, mon gentilhomme ? Demain, demain, m'écriai-je dans mon délire. Demain, soit, reprit-elle. J'aurai le temps de changer de toilette, car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage. Il faut aussi que j'aille avertir mes gens qui me croient sérieusement morte et qui se désolent tant qu'ils peuvent. L'argent, les habits, les voitures, tout sera prêt. Je te viendrai prendre à cette heure-ci. Adieu, cher cœur. » Elle effleura mon front du bout de ses lèvres. La lampe s'éteignit, les rideaux se refermèrent et je ne vis plus rien. Un sommeil de plomb, un sommeil sans rêve, s'appesantit sur moi et me tint engourdi jusqu'au lendemain matin. Je me réveillai plus tard que de coutume, et le souvenir de cette singulière vision m'agita toute la journée. Je finis par me persuader que c'était une pure vapeur de mon imagination échauffée. Cependant, les sensations avaient été si vives qu'il était difficile de croire qu'elles n'étaient pas réelles, et ce ne fut pas sans quelque appréhension de ce qui allait arriver que je me mis au lit après avoir prié Dieu d'éloigner de moi les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de mon sommeil. Je m'endormis bientôt profondément, et mon rêve se continua. Les rideaux s'écartèrent, et je vis Clarimonde, non pas comme la première fois, pâle dans son pâle suaire et les violettes de la mort sur les joues, mais gaie, leste et pimpante, avec un superbe habit de voyage en velours vert, orné de ganses d'or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin. Ses cheveux blonds s'échappaient en grosses boucles de dessous un large chapeau de feutre noir, chargé de plumes blanches capricieusement contournées. Elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d'or. Elle m'en toucha légèrement et me dit « Eh bien, beau dormeur, est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs? Je comptais vous trouver debout. Levez-vous bien vite, nous n'avons pas de temps à perdre. » Je sautai à bas du lit. « Allons, habillez-vous et partons, » dit-elle en me montrant du doigt un petit paquet qu'elle avait apporté. Les chevaux s'ennuient et rongent leurs freins à la porte. Nous devrions déjà être à 10 lieues d'ici. Je m'habillai en hâte. Elle me tendait elle-même les pièces du vêtement en riant aux éclats de ma gaucherie et en m'indiquant leur usage quand je me trompais. Elle donna du tour à mes cheveux et quand ce fut fait, elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de Venise bordé d'un filigrane d'argent et me dit « Comment te trouves-tu? Veux-tu me prendre à ton service comme valet de chambre ?» Je n'étais plus le même et je ne me reconnus pas. Je ne me ressemblais pas plus qu'une statue achevée ne ressemble à un bloc de pierre. Mon ancienne figure avait l'air de n'être que l'ébauche grossière de celle que réfléchissait le miroir. J'étais beau et ma vanité fut sensiblement chatouillée de cette métamorphose. Ces élégants habits, cette riche veste brodée, faisaient de moi un tout autre personnage et j'admirais la puissance de quelques zones d'étoffe taillées d'une certaine manière. L'esprit de mon costume me pénétrait la peau, et au bout de 10 minutes, j'étais passablement fat. Je fis quelques tours par la chambre pour me donner de l'aisance. Clarimonde me regardait d'un air de complaisance maternelle et paraissait très contente de son œuvre. « Voilà bien assez d'enfantillage. En route, mon cher Romuald. Nous allons loin et nous n'arriverons pas. » Elle me prit la main et m'entraîna. Toutes les portes s'ouvraient devant elle aussitôt qu'elle les touchait. Et nous passâmes devant le chien sans l'éveiller. À la porte, nous trouvâmes Margueriton. C'était l'écuyer qui m'avait déjà conduit. Il tenait en bride 3 chevaux noirs, comme les premiers. Un pour moi, un pour lui, un pour Clarimonde. Il fallait que ces chevaux fussent des genêts d'Espagne, nés de juments fécondés par le zéphyr, car ils allaient aussi vite que le vent, et la lune, qui s'était levée à notre départ pour nous éclairer, roulait dans le ciel comme une roue détachée de son char. Nous la voyions à notre droite sauter d'arbre en arbre et s'essouffler pour courir après nous. Nous arrivâmes bientôt dans une plaine où, auprès d'un bouquet d'arbres, nous attendait une voiture attelée de quatre vigoureuses bêtes. Nous y montâmes et les postillons leur firent prendre un galop insensé. J'avais un bras passé derrière la taille de Clarimonde et une de ses mains ployée dans la mienne. Elle appuyait sa tête à mon épaule et je sentais sa gorge demi-nue frôler mon bras. Jamais je n'avais éprouvé un bonheur aussi vif. J'avais oublié tout en ce moment-là, et je ne me souvenais pas plus d'avoir été prêtre que de ce que j'avais fait dans le sein de ma mère, tant était grande la fascination que l'esprit malin exerçait sur moi. À dater de cette nuit, ma nature s'est en quelque sorte dédoublée, et il y eut en moi deux hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre. Tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu'il était prêtre. Je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille, et je ne savais pas où commençait la réalité et où finissait l'illusion. Le jeune seigneur, fat et libertin, se raillait du prêtre. Le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur. Deux spirales enchevêtrées l'une dans l'autre et confondues sans se toucher jamais représentent très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne. Malgré l'étrangeté de cette position, je ne crois pas avoir un seul instant touché à la folie. J'ai toujours conservé très net les perceptions de mes deux existences. Seulement il y avait un fait absurde que je ne pouvais m'expliquer, c'est que le sentiment du même moi exista dans deux hommes si différents. C'était une anomalie dont je ne me rendais pas compte. Soit que je crusse être le curé du petit village de C, ou il signor Romualdo, amant en titre de la Clarimonde. Toujours est-il que j'étais, ou du moins que je croyais être, à Venise. Je n'ai pu encore bien démêler ce qu'il y avait d'illusion et de réalité dans cette bizarre aventure. Nous habitions un grand palais de marbre sur le Canaleio, plein de fresques et de statues, avec deux Titiens du meilleur temps dans la chambre à coucher de la Clarimonde, un palais digne d'un roi. Nous avions chacun notre gondole et nos barcaroles à notre livrée, notre chambre de musique et notre poète. Clarimonde entendait la vie d'une grande manière, et elle avait un peu de Cléopâtre dans sa nature. Quant à moi, je menais un train de fils de prince, et je faisais une poussière comme si j'eusse été de la famille de l'un des douze apôtres ou des quatre évangélistes de la Sérénissime République. Je ne me serais pas détourné de mon chemin pour laisser passer le doge, et je ne crois pas que depuis Satan qui tomba du ciel, personne n'ait été plus orgueilleux et plus insolent que moi. J'allais au Ridotto, et je jouais un jeu d'enfer. Je voyais la meilleure société du monde, des fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites et des spadassins. Cependant, malgré la dissipation de cette vie, je restais fidèle à la Clarimonde. Je l'aimais éperdument. Elle eût réveillé la satiété même et fixé la constance. Avoir Clarimonde, c'était avoir 20 maîtresses. C'était avoir toutes les femmes, tant elle était mobile, changeante et dissemblable d'elle-même. Un vrai caméléon. Elle vous faisait commettre avec elle la fidélité que vous eussiez commise avec d'autres, en prenant complètement le caractère, l'allure et le genre de beauté de la femme qui paraissait vous plaire. Elle me rendait mon amour au centuple, et c'est en vain que les jeunes patriciens, et même les vieux du Conseil des Dix, lui firent les plus magnifiques propositions. Un Foscari alla même jusqu'à lui proposer de l'épouser. Elle refusa tout. Elle avait assez d'or. Elle ne voulait plus que de l'amour. Un amour jeune, pur, éveillé par elle, et qui devait être le premier et le dernier. J'aurais été parfaitement heureux, sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits et où je me croyais un curé de village, se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour. Rassuré par l'habitude d'être avec elle, je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j'avais fait connaissance avec Clarimonde. Cependant, ce qu'en avait dit l'abbé Sérapion me revenait quelquefois en mémoire et ne laissait pas que de me donner de l'inquiétude. Depuis quelque temps, la santé de Clarimonde n'était pas aussi bonne. Son teint s'amortissait de jour en jour. Les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie, et ils ne savaient qu'y faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant, elle pâlissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi, lentement dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement, avec le sourire fatal des gens qui savent qu'ils vont mourir. Un matin, j'étais assis auprès de son lit et je déjeunais sur une petite table pour ne pas la quitter d'une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard, au doigt, une entaille assez profonde. Le sang partit aussitôt en filet pourpre et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse. Elle clignait les yeux à demi, et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde. De temps à autre, elle s'interrompait pour me baiser la main, puis elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva, l'œil humide et brillant, plus rose qu'une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, enfin plus belle que jamais et dans un état parfait de santé. « Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, » dit-elle à moitié folle de joie et en se penchant à mon cou. « Je pourrai t'aimer encore longtemps. Ma vie est dans la tienne et tout ce qui est moi vient de toi. Quelques gouttes de ton riche et noble sang, plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde, m'ont rendu l'existence. » Cette scène me préoccupa longtemps et m'inspira d'étranges doutes à l'endroit de Clarimonde. Et le soir même, lorsque le sommeil m'eut ramené à mon presbytère, je vis l'abbé Sérapion, plus grave et plus soucieux que jamais. Il me regarda attentivement et me dit « Non content de perdre votre âme, vous voulez aussi perdre votre corps ? Infortuné jeune homme, dans quel piège êtes-vous tombé ?» Le ton dont il me dit ce peu de mots me frappa vivement. Mais malgré sa vivacité, cette impression fut bientôt dissipée et mille autres soins l'effacèrent de mon esprit. Cependant, un soir, je vis dans ma glace dont elle n'avait pas calculé la perfide position, Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis d'y porter mes lèvres et je la posai sur quelques meubles comme pour l'achever plus tard à mon loisir. Et profitant d'un instant où la belle avait le dos tourné, j'en jetai le contenu sous la table. Après quoi je me retirai dans ma chambre et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que tout cela deviendrait. Je n'attendis pas longtemps. Clarimonde entra en robe de nuit et s'étant débarrassée de ses voiles, s'allongea dans le lit auprès de moi. Quand elle se fut bien assurée que je dormais, elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête. Puis elle se mit à murmurer à voix basse. Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Ah, pauvre amour, ton beau sang d'une couleur pourpre si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien, dors, mon Dieu, mon enfant. Je ne te ferai pas de mal. Je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t'aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d'autres amants dont je tarirais les veines. Mais depuis que je te connais, j'ai tout le monde en horreur. Ah, le beau bras, comme il est rond, comme il est blanc. Je n'oserais jamais piquer cette jolie veine bleue. » Et tout en disant cela, elle pleurait, et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras qu'elle tenait entre ses mains. Enfin, elle se décida, me fit une petite piqûre avec son aiguille et se mit à pomper le sang qui en coulait. Quoiqu'elle en eût bu à peine quelques gouttes, la crainte de m'épuiser la prenant, elle m'entoura avec soin le bras d'une petite bandelette après avoir frotté la plaie d'un onguent qui la cicatrisa sur le champ. Je ne pouvais plus avoir de doute, l'abbé Sérapion avait raison. Cependant, malgré cette certitude, je ne pouvais m'empêcher d'aimer Clarimonde et je lui aurais volontiers donné tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice. D'ailleurs, je n'avais pas grand peur. La femme me répondait du vampire, et ce que j'avais entendu et vu me rassurait complètement. J'avais alors des veines plantureuses qui ne se seraient pas de sitôt épuisées, et je ne marchandais pas ma vie goutte à goutte. Je me serais ouvert le bras moi-même, et je lui aurais dit « Bois, et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang ». J'évitais de faire la moindre allusion aux narcotiques qu'elle m'avait versés et à la scène de l'aiguille, et nous vivions dans le plus parfait accord. Pourtant mes scrupules de prêtre me tourmentaient plus que jamais, et je ne savais quelle macération nouvelle inventer pour mater et fortifier ma chair. Quoique toutes ces visions fussent involontaires et que je n'y participasse en rien, je n'osais pas toucher le Christ avec des mains aussi impures et un esprit souillé par de pareilles débauches réelles ou rêvées. Pour éviter de tomber dans ces fatigantes hallucinations, j'essayais de m'empêcher de dormir. Je tenais mes paupières ouvertes avec les doigts et je restais debout le long des murs, luttant contre le sommeil de toutes mes forces. Mais le sable de l'assoupissement me roulait bientôt dans les yeux, et voyant que toute lutte était inutile, je laissais tomber les bras de découragement et de lassitude, et le courant me rentraînait vers les rives perfides. Sérapion me faisait les plus véhémentes exhortations et me reprochait durement ma mollesse et mon peu de ferveur. Un jour que j'avais été plus agité qu'à l'ordinaire, il me dit « Pour vous débarrasser de cette obsession, il n'y a qu'un moyen, et quoi qu'il soit extrême, il le faut employer. Aux grands maux les grands remèdes. Je sais où Clarimonde a été enterrée. Il faut que nous la déterrions et que vous voyez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour. Vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde dévoré des vers et prêt de tomber en poudre. Cela vous fera assurément rentrer en vous-même. » Pour moi, j'étais si fatigué de cette double vie que j'acceptais, voulant savoir une fois pour toutes, qui, du prêtre ou du gentilhomme, était dupe d'une illusion. J'étais décidé à tuer, au profit de l'un ou de l'autre, un des deux hommes qui étaient en moi, ou à les tuer tous deux, car une pareille vie ne pouvait durer. L'abbé Sérapion se munit d'une pioche, d'un levier et d'une lanterne, et à minuit, nous nous dirigeâmes vers le cimetière, dont il connaissait parfaitement le gisement et la disposition. Après avoir porté la lumière de la lanterne sourde sur les inscriptions de plusieurs tombeaux, nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes et dévorée de mousses et de plantes parasites où nous déchiffrâmes ce commencement d'inscription. Ici gît Clarimonde, qui fut de son vivant la plus belle du monde. « C'est bien ici, » dit Sérapion, et posant à terre sa lanterne, il glissa la pince dans l'interstice de la pierre et commença à la soulever. La pierre céda et il se mit à l'ouvrage avec la pioche. Moi, je le regardais faire, plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même. Quant à lui, courbé sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son souffle pressé avait l'air d'un râle d'agonisant. C'était un spectacle étrange, et qui nous eût vus du dehors, nous eût plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de linceul que pour des prêtres de Dieu. Le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage qui le faisait ressembler à un démon plutôt qu'à un apôtre ou à un ange, et sa figure, aux grands traits austères et profondément découpée par le reflet de la lanterne, n'avait rien de très rassurant. Je me sentais perler sur les membres une sueur glaciale, et mes cheveux se redressaient douloureusement sur ma tête. Je regardais, au fond de moi-même, l'action du sévère Sérapion comme un abominable sacrilège, et j'aurais voulu que du flanc des sombres nuages qui roulaient pesamment au-dessus de nous sortît un triangle de feu qui le réduisit en poudre. Les hiboux, perchés sur les cyprès, inquiétés par l'éclat de la lanterne, en venaient fouetter lourdement la vitre avec leurs ailes poussiéreuses, en jetant des gémissements plaintifs. Les renards glapissaient dans le lointain, et mille bruits sinistres se dégageaient du silence. Enfin, la pioche de Sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore, avec ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche. Il en renversa le couvercle, et j'aperçus Clarimonde, pâle comme un marbre, les mains jointes. Son blanc sueur ne faisait qu'un seul pli de sa tête à ses pieds. Une petite goutte rouge brillait, comme une rose, au coin de sa bouche décolorée. Sérapion, à cette vue, entra en fureur. Ah, te voilà, démon, courtisane impudique, buveuse de sang et d'or. Et il aspergea d'eau bénite le corps et le cercueil, sur lequel il traça la forme d'une croix avec son goupillon. La pauvre Clarimonde n'eût pas été plutôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière. Ce ne fut plus qu'un mélange affreusement informe de cendre et d'eau à demi calcinée. Voilà votre maîtresse, Seigneur Romuald, dit l'inexorable prêtre en me montrant ses tristes dépouilles. Serez-vous encore tenté d'aller vous promener au Lido et à Fouzine avec votre beauté? Je baissai la tête. Une grande ruine venait de se faire au-dedans de moi. Je retournai à mon presbytère et le Seigneur Romuald, amant de Clarimonde, se sépara du pauvre prêtre à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie. Seulement la nuit suivante, je vis Clarimonde. Elle me dit, comme la première fois sous le portail de l'église, « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile? N'étais-tu pas heureux? Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l'air comme une fumée, et je ne la revis plus. Hélas, elle a dit vrai. Je l'ai regrettée plus d'une fois, et je la regrette encore. La paix de mon âme a été bien chèrement achetée. L'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien. Voilà, frère, l'histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre. Car si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité. »